Trois voies à sens unique, une limitation de la vitesse à 70 km/h sur ce pont et une interdiction de dépasser qui ne concerne que certains poids lourds. Ce sont les trois informations que je dois prendre en compte immédiatement. Je suis dans la voie la plus à gauche en situation de dépassement. Je roule donc plus vite que la voiture située dans la voie centrale. Je continue donc le dépassement. Réponse A.